Premier livre de Samuel, chapitre 11. Orna à Ammonique monta, et se campa contre Jabé de Galaa. Et tous ceux de Jabé dirent à Naa, « Traite alliance avec nous, et nous te servirons. » Mais Naa Ammonite leur répondit, « Je traiterai alliance avec vous à cette condition, que je vous crève à tout l'œil droit, et que je mette cela pour opprobre sur tout Israël. » Et les anciens de Jabé lui dirent, « Donne-nous 7 jours de trêve, et nous enverrons des messagers par tous les quartiers d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous délivre, nous nous rendrons à toi. » Les messagers donc vinrent en Guiba Saül, et dirent ces paroles devant le peuple, et tout le peuple éleva sa voix, et pleura. Et voici Saül revenait des champs derrière ses bœufs, et il dit, « Qu'est-ce qu'a ce peuple pour pleurer ainsi ?» Et on lui récita ce qu'avaient dit ceux de Jabé. Or l'Esprit de Dieu saisit Saül, lorsqu'il entendit ces paroles, et il fut embrasé de colère. Et il prit une couple de bœufs, et les coupa en morceaux, et en envoya dans tous les quartiers d'Israël par des messagers express, en disant, « On en fera de même aux bœufs de tous ceux qui ne sortiront point, et qui ne suivront point Saül et Samuel. » Et la frayeur de l'Éternel tomba sur le peuple, et ils sortirent comme si ce n'eût été qu'un seul homme. Et Saül les dénombra en Bézek, et il y eut 300 000 hommes des enfants d'Israël, et 30 000 des gens de Juda. Après ils dirent aux messagers qui étaient venus, « Vous parlerez ainsi à ceux de Jabé de Galaa, vous serez délivrés demain quand le soleil sera en sa force. » Les messagers donc s'en revinrent, et rapportèrent cela à ceux de Jabé, qui s'en réjouirent. Et ceux de Jabé dirent aux Ammonites, « Demain nous nous rendrons à vous, et vous nous ferez tout ce qui vous semblera bon. » Et dès le lendemain Saül mit le peuple en 3 bandes, et ils entrèrent dans le camp sur la veille du matin, et ils frappèrent les Ammonites juste vers la chaleur du jour, et ceux qui demeurèrent de reste, furent tellement dispersés çà et là, qu'il n'en demeura pas 2 ensemble. Et le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui dit, Saül régnera-t-il sur nous ? Donnez-nous ces hommes-là, et nous les ferons mourir. » Alors Saül dit, « Zéroène ne fera mourir personne en ce jour, parce que l'Éternel a délivré aujourd'hui Israël. » Et Samuel dit au peuple, « Venez, et allons à Gilgal, et nous y renouvellerons la royauté. » Et tout le peuple s'en alla à Gilgal, et là ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal, et ils offrirent là des sacrifices de prospérité devant l'Éternel, et là, Saül et tous ceux d'Israël se réjouirent beaucoup.